بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le chapitre d'après, donc l'auteur qui nous dit Bab Umaja fi Tanjim. Le chapitre concernant les textes liés à l'astrologie. Les textes liés à l'astrologie. L'auteur qui nous dit rahimahullah, قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. البخاري il dit dans son صحيح que Qatada a dit Allah a créé ces étoiles pour trois raisons: pour embellir le ciel, pour lapider les diables, et donc comme signe distinctif afin qu'on puisse nous guider par ceci, par celle-ci, donc par les étoiles. Le fait d'utiliser les étoiles pour connaître des directions, nord, sud, etc. Et donc celui qui donne un autre sens aux étoiles que ceux-ci, que les sens qui ont été cités, il s'est trompé et a perdu sa part. Et il se sera chargé de ce dont il n'a aucune science. Fin de citation. Et donc, ici, l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, il nous montre le danger de l'astrologie et le fait que cette science est une science contraire à la législation. Et que cette science est une science interdite. Et que cela fait partie de la sorcellerie. Et c'est clairement, donc, de la voyance. Les étoiles, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a créés pour les raisons citées, pour embellir le ciel, ainsi que pour lapider les diables qui cherchent à entendre les informations du ciel pour les transférer et pour les rapporter aux voyants. À ce moment-là, ces diables se font lapider, ils se font pourchasser par les étoiles, comme on appelle ici en France, les étoiles filantes. Et d'ailleurs, les gens, ils ont placé une croyance par rapport à ces étoiles. À chaque fois, quand on était petit, on nous disait, fais un vœu dès que tu vois une étoile filante, fais un vœu. Hein? Alors que ce qui se passe en réalité, c'est que c'est un diable qui se fait chasser par une étoile. Par un astre. Et autre raison pour laquelle les étoiles ont été créées, c'est afin qu'on puisse connaître les directions. Afin qu'on puisse connaître les directions. Et donc il y a, dans l'étude des astres, il y a une science qui est permise. Comme on disait la dernière fois, l'astronomie. Donc le fait d'étudier les déplacements des astres, le fait de connaître les saisons, etc., tout cela s'est permis. Le fait de connaître les périodes de l'année, des mois, ça c'est important, surtout notamment pour les pêcheurs, les chasseurs, aussi pour les fermiers, etc. Parce que parfois, en fonction de la période de l'année ou en fonction de la période du mois, il y a donc certaines activités qui sont plus importantes que d'autres. Et ça c'est important, et cela se fait donc par cette étude des déplacements des astres, des déplacements des étoiles ou de la lune. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ » Certes, nous avons embelli le ciel le plus bas avec « masabih » avec des lumières, donc avec des étoiles. Et nous en avons fait des rujum et les shiati, nous avons fait des moyens de lapidation pour les diables. Et il nous dit tabaraka wa ta'ala wa alamatin wa bin nujumi hum yahtadun. Et donc, et par les étoiles, ils se guident, c'est-à-dire utiliser les étoiles, comme on a dit précédemment, pour chercher les directions. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa kariha qatada tu ta'alluma manazil al-qamar. ولم يرخص ابن عيينة فيه وذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah que Qatada, donc parmi les grands savants de la communauté musulmane, Qatada, il détestait le fait d'apprendre les différentes stations lunaires. Et donc ceci aussi est la voix de Ibn Uyayna. Ensuite, il nous cite que l'imam Ahmed ainsi que Ishaq, ils ont tous les deux permis cela, le fait d'apprendre les stations lunaires. Et donc il nous cite cette divergence, l'auteur ici, parce que ça, ce n'est pas directement lié à, au chapitre. Le chapitre, c'est donc Et-Tanjim, l'astrologie en français. Mais ici, dans la langue arabe, l'étude des déplacements de la Lune ne rentre pas directement dedans, même si c'est lié. Même si c'est lié. Et donc ici, les savants, ils ont divergé concernant ce sujet, l'étude des déplacements de la Lune, les différentes stations lunaires. Pourquoi ? Pour éviter justement que certaines personnes ne tombent dans du polythéisme en ayant certaines croyances. Mais l'avis le plus juste est qu'il n'y a pas d'interdiction quant à cela. Et donc c'est l'avis, comme on l'a cité, l'avis de l'imam Ahmed et Ishaq, il n'y a pas d'interdiction quant au fait d'étudier les stations lunaires. Ce qui est interdit, c'est le fait d'avoir une croyance quant à cela. Une croyance interdite quant à cela. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Et donc Abu Musa qui nous dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit trois personnes ne rentrent pas au paradis. Trois personnes ne rentrent pas au paradis. Mudmin ul khamr, celui qui boit tout le temps de l'alcool. Mudmin, et donc celui qui ne cesse de boire de l'alcool. Qati'ur rahim, celui qui va donc couper les liens de parenté, rompre les liens de parenté. Et musaddiqun bis-sihri, celui qui va croire en la sorcellerie. Celui qui va croire en la sorcellerie, et donc entre dans cela, celui aussi qui va croire en la voyance. Rapporté par l'imam Ahmed ainsi qu'Ibn Hibban dans son Sahih. Et donc ici, l'auteur, il nous montre donc que ce sujet, puisque l'astrologie est liée à la sorcellerie, est de la sorcellerie, et que l'astrologie, le voyant qui utilise cette méthode, la personne qui va croire ce voyant, va donc commettre un acte de polythéisme. La personne qui va croire en se voyant va, comme on a vu précédemment, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va voir un voyant et qui le croit aura rejeté la parole, aura rejeté ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le fait que cette personne-là ne rentre pas au paradis, et donc si cette personne est musulmane, la personne qui boit de l'alcool, est-ce que c'est un péché qui fait sortir de l'islam, le fait de boire de l'alcool? Non, ça ne fait pas sortir de l'islam. Sauf si la personne croit que c'est licite. Ça fait sortir de l'islam. Parce que là, tu rejettes le Coran. Le Coran, il montre clairement que c'est interdit de boire de l'alcool. La personne, ici, elle boit, non, c'est permis, etc., etc. Et donc ça fait sortir de l'islam. Sauf s'il y a une ambiguïté. Une ambiguïté, comme on a aujourd'hui, les gens qui vont changer le nom de l'alcool. Et que lui, il va te dire, non, c'est pas de l'alcool, etc., mais c'est telle et telle chose, etc. Et donc là, dans l'ambiguïté, là, c'est important de faire attention. Donc là, la personne qui boit de l'alcool, cela ne la fait pas sortir de l'islam. Et donc, ce qui est voulu ici, à ce moment-là, elle ne rentre pas au paradis avec les premiers. C'est-à-dire, elle ne rentre pas au paradis avec donc ceux qui vont rentrer sans passer par l'enfer. Quand il y a rahim, le fait de couper les liens, de rompre les liens de parenté, c'est pareil. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Et enfin, le fait de croire à la sorcellerie, par contre, ça, c'est du polythéisme. C'est du polythéisme, le fait de croire à la sorcellerie. Et là, on va regarder encore quelle forme de sorcellerie. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a une sorcellerie où il n'y a pas de polythéisme. La sorcellerie avec laquelle on utilise, la sorcellerie utilisée par... la sorcellerie qui utilise les antidotes, les potions, etc. Ça, donc tout ça, la personne qui va croire en cela, donc qui va pratiquer cela, ou qui va demander à ce qu'on pratique cela pour elle, etc. cette personne-là ne sort pas forcément de l'islam. Mais par contre, la sorcellerie qui est liée au polythéisme, alors là, la personne sort de l'islam. Et ici, quand on dit elle ne rentre pas au paradis, ça veut dire elle ne rentrera pas du tout au paradis. Cette personne, qui, la personne qui meurt sans se repentir donc, de cette situation, fera partie des incroyants dans le feu éternel. On est arrivé à la parole de l'auteur, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, bab ou maja'a fil istisqa ibn bil anwa. Le chapitre concernant les textes liés à l'istisqa bil anwa. Et donc, les textes concernant la demande de pluie ou le fait de lier la pluie au déplacement des étoiles. Le fait de lier la pluie au déplacement des étoiles. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun. Et vous liez votre subsistance au fait que vous mentez. Vous liez votre subsistance au fait que vous mentez. Et aussi, عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. Et selon Abi Malik al-Ash'ari رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, il y a quatre choses dans ma communauté qui font partie de la période anti-islamique. Ils ne vont pas la délaisser. Donc quatre caractéristiques qui sont blâmables, qui font partie de la période anti-islamique. Mais ces quatre caractéristiques, malgré le fait qu'elles sont blâmables, elles vont rester dans la communauté. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-fakhru bil-ahsab » La fierté par le rang social. Le fait que les gens sont fiers de leur rang social. Moi, j'ai tel rang, moi, j'ai tel rang, etc. Tout ça, ça fait partie de la période anti-islamique. En islam, ce n'est pas ton rang social qui fait que tu es meilleur qu'un autre ou pas. Et certes, les meilleurs en islam, ce sont les pieux, ceux qui ont la taqwa. Mais ce n'est pas ton rang social qui fait de toi que tu es meilleur. وَالتَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ Le fait de critiquer les lignées. Et donc, un tel va critiquer la lignée d'un tel. Ah, moi, ma lignée, elle est meilleure que la tienne. Mon père Foulen, mon grand-père Foulen, mon arrière-grand-père Foulen, etc., etc. Ma lignée est meilleure que la tienne. Ou alors ma tribu, ma famille. Ou alors, ça peut être pour l'origine. Ça peut être pour l'origine. Ah, telle origine est meilleure, si, ça, ça. Et le racisme. Et subhanallah, ce qui est étonnant, barakallahu fikoum, ici en Martinique, je parle ici en Martinique, c'est que les gens, on sait que nos ancêtres ont subi du racisme. Et que cela a été une cause de forte souffrance. Et malgré cela, on va trouver dans le peuple entier une forte présence de racisme. Alors qu'on sait que certains ont souffert dans le passé à cause du racisme. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, notre génération, ou alors les générations passées, ont en eux ce racisme? Ah, de toute façon, nous sommes meilleurs que des gens de tel pays ou que telle et telle origine, etc., etc., etc. Une fois, j'ai même entendu un qui a dit une parole à Ouzoubillah. Ah oui, les Arabes, ils ont de la chance que le prophète était arabe. Parce que sinon, ils n'auraient pas cru en lui, etc. Subhanallah, ilaha illallah. Il est inacceptable que nous ayons dans la communauté ce genre de paroles ou d'agissements racistes qui sont liés à la période anti-islamique, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a donc rejeté tout cela. Il a rejeté tout cela. Lorsque des compagnons, justement, ils étaient en conflit et que L'un qui faisait partie des Ansar, il l'appelait « Ya Ahl al-Ansar, oh vous les Ansar, venez m'aider les Ansar !» Et celui qui fait partie des Muhajiroun, « Oh Ya al-Muhajiroun, oh les Muhajiroun !» Et donc là, ce n'est pas une histoire d'un test sur la vérité, donc on te soutient ou pas. Là, c'est « Tu es Ansar comme nous » ou « Tu es Muhajir comme nous ». Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a vu ça, il a dit « Abida'wa al-Jahiliya » Est-ce que c'est avec les agissements de la période anté-islamique alors que je suis parmi vous? Il a fermement rejeté cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le premier jour où je suis venu ici, où j'ai fait la khutba ici, le premier jour, premier jour, j'ai annoncé la couleur. Il dit, je ne veux pas une mosquée de Martinique. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de mosquée de Martinique. Il n'y a pas de mosquée où on fait un clan, les Antillais, etc. Non, non, ça n'existe pas ça chez nous, en islam. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que cette chose qui est une chose évidente, ce sujet qui est un sujet évident, est un sujet qu'on va devoir répéter et répéter. Parce que c'est répandu dans les communautés. Je ne dis pas dans la communauté antillaise, mais c'est un problème qui est présent dans les communautés. Que tu vas trouver dans cette communauté, cette communauté, cette communauté, cette communauté. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Subhanallah. Il l'avait annoncé que ces caractéristiques-là font partie des caractéristiques anti-islamiques et qu'elles vont rester dans sa communauté. Il a dit, « La yatrukunahun !» Ils ne vont pas les délaisser. Il avait annoncé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces caractéristiques-là, malgré le fait qu'elles soient blâmables, c'est obligé qu'il y en ait dans la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a annoncé. Et ça ne veut pas dire qu'il approuve, mais ça veut dire qu'il nous informe de ce qui arrive. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi donc ces caractéristiques, on en a vu deux. La troisième, il nous dit, wal istisqa ou bin nujum. Et le fait donc d'affilier la pluie, la tombée de la pluie, au déplacement des étoiles. Et ensuite, il nous dit, wal niyaha. Al niyaha, la lamentation. Lamentation face aux morts. Et ensuite, l'auteur qui continue, elle nous dit « Waqal, al-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyamati wa alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab rawahu muslimun. » Et donc, il dit, Abu Malik al-Ash'ari, al-na'iha, donc il nous dit donc, concernant donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naïha, et donc celle qui fait les lamentations, si elle ne se repent pas avant sa mort, alors au jour de la résurrection, elle portera un vêtement de goudron et une armure de galle, rapportée par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Et donc comme on a vu, barakallahu fikoum, les textes qui ont été cités dans ce chapitre, concerne le fait de lier et d'affilier la tombée de la pluie aux étoiles. Et en réalité, il y a ce sujet, il est lié à trois points. Le premier point, le fait que des gens vont affilier la tombée de la pluie aux étoiles, c'est-à-dire que pour eux, c'est le déplacement des étoiles qui va faire que la pluie tombe. Ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est de la mécréance. Ça fait sortir d'islam. Et c'est donc du shirk, du polythéisme, dans la seigneurie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-Rububiyya. Car c'est Allah qui gère tout. Et ici, ces gens-là vont attribuer la gestion du monde à autre que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le deuxième point, il nous dit le Cheikh Ubayd al-Jaberi, c'est Nisbatul Waqt, le fait d'attribuer cela au moment, c'est-à-dire la pluie est tombée durant le déplacement de telle étoile. Ça veut dire, on ne dit pas ici que c'est telle étoile qui a été la cause, Mais en fait, c'est tout simplement que c'est au moment où telle étoile s'est déplacée, à ce moment-là, il a plu. Il nous dit, le cher Obeid, il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi? Parce que c'est comme lorsqu'on dit, il a plu pendant la période du Zohar. Or, la période du Zohar, c'est une période qui est liée au déplacement du soleil. Et donc, le soleil qui s'est déplacé de tel endroit à tel endroit, pendant cette période-là, il a plu. On ne va pas attribuer la pluie au déplacement du soleil, mais ici, on va dire que les deux ont été faits au même moment. Et le troisième point, c'est le fait de dire que ce n'est pas l'étoile qui fait que la pluie tombe, mais l'étoile est une cause. L'étoile est une cause. Et ça aussi, c'est fortement blâmable. Ça aussi, c'est fortement blâmable et c'est interdit. Et cela contredit donc le tawhid. Cela contredit le tawhid. Ensuite, dans ce hadith qui a été cité, barakallahu fikoum, comme vous l'avez entendu, on a parlé de niyaha, les lamentations. Et donc le fait de se lamenter concernant la perte d'un mort, d'un proche, et beaucoup de personnes sont éprouvées par cela et vont montrer l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est-à-dire le fait que les gens ne sont pas satisfaits du décret d'Allah, barakallahu fikoum. Mais pourquoi, etc., etc., etc. C'est Allah Azzawajal qui décrète quand un ou une doit mourir. Nous n'avons pas à nous opposer à son décret. Nous devons être satisfaits du décret, du destin qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé. Et le remercier pour tout ce qu'il nous a accordé. Mais le problème, c'est que lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous éprouve, beaucoup ont tendance à oublier tout le bien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorde à cause de cette épreuve. Et les épreuves qui permettent de distinguer les bons des mauvais. Il nous dit, le Cheikh Obeid al-Jabiri, hafidhahullah, que les lamentations peuvent se faire de plusieurs formes. Il y a la personne qui va pleurer, crier pour le mort. Et donc tout ça, ça rentre dans le hadith. Évidemment, celle qui fait les lamentations. Et le hadith, il nous a cité celle, donc le féminin. Est-ce que ça veut dire que l'homme qui va se lamenter, il ne rentre pas dans le hadith? Mais bien sûr qu'il rentre dans le hadith aussi. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité cette caractéristique au féminin. Pourquoi? Parce qu'en général, ceci va plus être lié à la faiblesse de la femme, au niveau de ses sentiments, etc., qui va plus être touché et va montrer cela. Mais l'homme qui a ça aussi, lui aussi, il rentre dans ce hadith et dans cette interdiction. Et donc, la lamentation se fait de plusieurs façons. Elle peut se faire par le fait de crier, de pleurer fortement. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais ici, je veux dire, le fait d'exagérer dans cela, en criant, en se lamentant, mais pourquoi? Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ibrahim, son fils, il est mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une belle parole. Certes, le cœur s'attriste, et les larmes coulent, et nous sommes attristés par ta perte, ô Ibrahim. Mais nous le disons que ce qui fait partie des causes de la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, malgré cette épreuve, tu dois faire attention à rechercher la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le Cheikh Obeid, il nous cite un hadith que parfois, ou du moins que beaucoup ignorent. Et que les gens ne savent pas que cela fait partie des lamentations. Ça aussi, ça rentre dans les lamentations. Un hadith qui est cité dans le Sunan d'Ibn Majah et aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon Jarir radiallahu anhu, qui dit: Kunna na'uddu l'ijtima'a ila ahli l'mayyiti wa sani'at al-ta'ami ba'da dafnihi min al-niyaha. Il a dit nous, et donc c'est-à-dire les compagnons, nous les compagnons, on jugeait que le rassemblement, la famille du mort, et le fait de préparer un repas après l'enterrement, tout cela fait partie de Niyaha, des lamentations. Tout cela fait partie des lamentations. Et aujourd'hui, comme cela est répandu dans les pays musulmans, le fait que lorsqu'il y a un mort, alors là, il faut louer des salles carrément, tellement il y a du monde, ou alors ça se fait dans la famille, etc. Les gens, ils sont déjà éprouvés par la perte d'un proche, et bien maintenant, on va leur rajouter une épreuve qu'il faut qu'ils préparent à manger pour tous les gens qui vont venir les visiter, il faut qu'ils préparent leur maison, etc. Alors, ils sont occupés par le mort. Surtout à notre époque, avec tous les papiers qu'il y a à faire, etc., etc., etc. Eh bien non, il faut absolument préparer un repas pour les invités. Parfois même maintenant, c'est la fête. En Martinique, aujourd'hui, ça devient pire encore. C'est alcool, alcool, alcool le jour où quelqu'un est mort. La ilaha illallah. Et tout cela fait partie de Niyaha. Tout cela fait partie de Niyaha, les lamentations. Et donc il est important qu'on ne doit pas participer à cela. La sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Isna'u ta'aman li ali Jabir » Prépare un repas pour la famille de Jabir. « Fa'innahu kod asabahum amrun yushriluhum » Car ils ont été touchés par quelque chose qui les occupe. Et donc ça veut dire que vu qu'ils sont occupés par la perte de leurs proches, on prépare à manger pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on prépare à manger pour tous les gens qui vont venir les visiter. Et donc, il faut que ces gens-là, ils ont une épreuve, etc. On les aide. C'est bon, Orti, ne te fatigue pas, on sait que vous êtes éprouvés, etc. Aujourd'hui, Mashallah, ne prépare pas à manger, c'est moi, je m'en occupe. Je vous amène à manger, Inch'Allah, Ta'ala. Voilà, tenez, Allah Azzawajal vous facilite dans cette épreuve, etc. Peut-être que tu peux aller visiter, aller les voir rapidement. Salam alaikum, qu'Allah vous facilite dans cette épreuve. Et après tu t'en vas. Mais le fait de rester assis, la fête, les gens, allez, on prépare à manger. Subhanallah. Et donc il est important, jazakumullah khairan, qu'on comprenne que beaucoup d'agissements qu'on va trouver dans les communautés concernant les enterrements, concernant la mort, il y a énormément de sujets, il y a énormément de points liés à ce sujet qui contredisent les textes de la législation. Et donc il faut faire très très attention à cela. Ensuite, l'auteur qui nous dit voilà, Huma. An Zayd ibn Khalid qala sallallana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kana min al-layl. Et donc rapporté par les deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, selon Zayd ibn Khalid, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière pour nous, la prière du subh à Al-Hudaybiyah, après qu'il ait plu pendant la nuit. Falamma sarafa aqbala ala an-nas, lorsqu'il a fini, il s'est tourné vers les gens. Faqala hal tadruna madha qala rabbukum? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, parmi mes serviteurs, certains se sont retrouvés à l'aube, croyants en moi, et d'autres incroyants. Subhanallah. Des gens peuvent, dans la nuit, être croyants à l'aube, incroyants. Et ça nous montre quoi, barakallahu fikoum? Ça nous montre qu'il y a des causes qui font sortir l'islam. Tu vas aller, tu pries sobh et tu peux sortir de l'islam. Après sobh, à la mosquée. Il y a des causes qui peuvent faire sortir les gens de l'islam. Et donc il est important d'étudier ces causes. Voilà pourquoi un des premiers livres qu'on a fait ici en Martinique, Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam. Pour ceux qui veulent réécouter, profiter, c'est encore, vous pouvez encore le trouver sur le site internet. Les annulatifs de l'islam. Dans l'islam, dans notre religion, il y a des choses qui font sortir la personne de l'islam. comme il y a des choses qui font rentrer la personne dans l'islam, il y a aussi des choses qui font sortir les gens de l'islam. Et donc c'est important de les connaître. C'est important de savoir qu'est-ce qui fait sortir de l'islam afin de ne pas tomber dedans. Et donc, il dit... فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. En ce qui concerne celui qui dit, certes la pluie est tombée, certes la pluie est tombée autour de nous par la grâce d'Allah ainsi que sa miséricorde. Et donc celui-ci, il est croyant en moi et il rejette la croyance aux étoiles. Subhanallah, regardez ici. Il a cité Tabaraka wa Ta'ala, la personne qui attribue la pluie à la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et à sa grâce. Et donc la personne remercie Allah pour cette pluie. Ce n'est pas comme certaines personnes qui, subhanallah, lorsqu'il pleut, la personne ne va pas attribuer la pluie aux étoiles, mais elle va te dire, oh là là, oh la pluie encore, quel mauvais temps, etc., etc. Alors que justement, toutes les plantes que nous avons, les légumes que nous avons, les bêtes que nous mangeons, le riz et tout ça, c'est par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et c'est lié à la pluie. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on ne rejette pas les biens d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur nous. Ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, wa amma man qala mutirna bina wa ikeda wa keda, fedalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Et en ce qui concerne celui qui dit, certes, la pluie est tombée autour de nous ou sur nous par la cause des étoiles ou par telle et telle étoile, alors celui-ci a mécru en moi et il est croyant aux étoiles. Et l'auteur qui continue et qui dit, voilà Rouma. Et aussi, rapporté dans les deux, donc, ici, donc, Al-Bukhari et Muslim. Sauf que, en réalité, ce texte-là, l'imam Al-Bukhari ne l'a pas cité. L'imam Al-Bukhari n'a pas cité. C'est quoi l'imam Muslim? Là, c'est une erreur de l'auteur, Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Min hadith ibn Abbas fi ma'na. Et donc, le hadith d'Ibn Abbas, ayant donc le même sens, wa fihi. Et certes, il est cité. Qala ba'duhum laqad sadaqana wa kadha wa kadha. Certains d'entre eux ont dit, certes, donc, sadaqa, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire que la pluie, elle est tombée en même temps que telle et telle étoile. La pluie, elle est tombée en même temps que telle et telle étoile. En même temps que le déplacement de telle et telle étoile. Et là, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait descendre sa parole. Fala uqasimu bima waqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Certes, je jure par les stations des étoiles. Certes, ceci est un serment solennel, si seulement vous saviez. Et donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre que ceci est un serment important. Innahu la Qur'anun Karim. Certes, c'est un livre, Qur'an, c'est un livre noble et riche, qui a énormément de bienfaits. Fi kitab maknoun, qui se trouve dans un livre, maknoun, c'est ce qui n'est pas apparent. C'est un livre dont on n'y a pas accès. Les tablettes protégées, nous n'y avons pas accès. La yamassuhu illa al-mutahharun. Seuls ceux qui sont purifiés peuvent le toucher. Tanzilum min Rabbil Alamin. Une révélation du Seigneur des mondes. Afa bihadha al-hadith antum mudhinun. Est-ce que vous rejetez ces paroles? Est-ce que vous rejetez ces paroles? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibun. Et vous liez votre subsistance au fait que vous traitez de mensonge. C'est-à-dire le fait de croire aux étoiles et que ce sont les causes de notre subsistance, cela revient au fait, ou c'est le fait de traiter de mensonge à la révélation d'Allah. Donc c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous montre dans son livre que c'est lui qui gère toute chose. C'est lui qui gère toute chose. Et donc le fait que des gens vont venir nous dire « Ah, cancer, ou vierge, ou je ne sais pas quelle constellation, cette semaine vous allez avoir ça, ou cette semaine vous allez faire ça, ou cette semaine ça va être pour vous comme ça. » Tout ça c'est de la mécréance. Tout cela c'est de la mécréance. Et donc voilà par rapport donc, au cours d'aujourd'hui, on arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et bismillah, la semaine prochaine, on verra donc le chapitre concernant l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et le polythéisme qui est lié à cela. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.